Acte 4. Dans les ruines romaines de Schönbrunn, au clair de lune, où se donne le bal avec musique viennoise. Le directeur de la police avertit Metternich d'un complot fomenté par des dames. Les conspiratrices apparaissent, vantant les mérites du duc et imaginant déjà les changements à venir. Mais elles sont interrompues par Metternich, le directeur de la police, Sedlinski, qui renie sur leur complot, mais les laisse tranquilles et elles se disséminent dans le bal. Tandis que l'attaché français, envoyé par le roi Charles X, poursuit la danseuse Fanny et que le frère Thérèse lui reproche ses sympathies bonapartistes, le duc et Prokesh arrivent. Prokesh réconforte le duc, secoué par la scène précédente avec Metternich, en lui signifiant que le complot se déroule bien. Mais le duc est défaitiste et ne s'estime pas à la hauteur des espoirs que les conspirateurs mettent en lui. Le duc à lui-même. « Oh, ce serait un crime que de faire monter, pays clair et sublime, sur ton splendide petit trône impérial, un être de malheur, d'ombre et d'escurial. Et si, lorsque plus tard, je serai sur ce trône, le passé m'allongeant dans l'âme sa main jaune, j'ai peur qu'au bruit flatteur et doré des abeilles, monstre qui dort peut-être en moi, tu te réveilles. » Le duc, en effet, ne se sent capable que d'aimer. À Prokesh. Mais mon cher, à la réflexion, c'est logique. Don Juan, fils de Napoléon, c'est la même âme, au fond, toujours insatisfaite. C'est le même désir incessant de conquête. Ô magnifique sang qu'un autre a corrompu et qui, voulant t'éclore en César, n'a pas pu. Ton énergie en moi n'est donc pas toute morte. Cela fait un Don Juan lorsqu'un César avorte. Oui, c'est une façon d'être encore un vainqueur. Ainsi, je connaîtrai cette fièvre de cœur fatale, dit Byron, à ceux qu'elle dévore. Et c'est une façon d'être mon père encore. Bah, qui sait après tout s'il est plus important de conquérir le monde ou d'aimer un instant? Soit. C'est bien qu'ainsi finisse la légende et que ce conquérant de cet autre descende. Soit, je serai le reflet blond du héros brun qui s'en allait, les battant tous l'un après l'un, et tandis que je les vaincrai l'une après l'une, mes soleils d'Austerlitz seront des clairs de lune. Ah, taisez-vous, car c'est trop tristement raillé. Oui, je sais bien. J'entends des spectres me crier, spectres aux habits bleus, tordus par la rafale. Eh bien alors, cette épopée impériale, nos travaux, nous clairons la gloire. Eh bien alors, cette neige se sent, l'histoire, et tant de morts sur tant de champs, où tant de fois nous triomphâmes, cela te sert à quoi, petit? À plaire aux femmes. C'est beau, sur le prater parmi les voiturins, de monter un cheval de 3000 florins, que l'on peut appeler Iéna. C'est une aigrette certaine qu'Austerlitz aux yeux d'une coquette. Vous n'aurez pas le cœur ainsi de la porter. Mais si, mon cher, je ferai monter, car c'est sur un amant une chose qui flatte, l'aigle rapetissé en épingle à cravate. Le duc courtise alors sa tante à l'archiduchesse qu'il repousse. Mais il aperçoit Thérèse qui l'invite à venir le rejoindre le soir même dans son petit pavillon de chasse. Arrive alors Fanny la danseuse, qui lui avait écrit de se tenir prêt à agir. Elle quitte le duc en essayant de semer l'attaché français qu'arrivent Marie-Louise et son chambellan. Le duc se dissimule et après avoir laissé le chambellan conter fleurette à sa mère, il lui saute dessus. Certes, il reconnaît à sa mère le droit d'être encore femme, mais il trouve aussi une raison de plus d'être, lui, fidèle à son père, ce qui lui donne un regain d'énergie.